Ouais, ouais. Calibère, qu'on arrive calibré. Reste pas là, reste LPK, pas là. LPK, gros. Ouais, ouais. Cœur-ci. Ok. Reste pas là, reste pas là. Bouge. LPK, cœur-ci. Reste okay. Pas là. Bouge, bouge. LPK, cœur-ci. Ouais, ouais. Sur le béton mouillé, épuisé par le bruit des gyrophares. Le rap une forêt, on y domine comme des phares. La tête dans les étoiles, bien avant Thomas Pesquet. Le monde est fou et pour peser faudrait se mettre à poil. Mame que des loups, je ramène que du lourd. Gros t'es pas comme nous, t'es qu'un chien qui boit. Enfermé dans ma bulle, je fais mes délires, je m'en bats les couilles gros. Ce n'est pas le rap qui me ramène des courses faux. Rester sincère et je le fais depuis le début. J'ai pas confiance en l'humain car il détruit tout. L'alcool fait des trous dans la mémoire. Quand je l'ouvre, c'est de la magie. J'écris dans un grimoire. J'attends mon tour comme Cursey, envahi par la zigmumec. J'ai pris racine à Calais pour ensuite fleurir à Berck. Ici ça rappe dans tous les sens. Le rap game est en feu car j'ai les mains qui puent l'essence. Reste pas là, reste pas là, bouge. Reste pas là, reste pas là, bouge. Reste pas là, reste pas là, bouge. Reste pas là, reste pas là, bouge. Reste pas là, reste pas là, bouge. Reste pas là, reste pas là, bouge. Reste pas là, reste pas là, bouge. Reste pas là, reste pas là. J'avais fait Bélec, bim bim. C'est le P quand on plie le beat. Tu nous veux du mal, on veut que du bien. Va t'écraser la gueule à 200 sales victimes. On veut de la maille, pas des contrats fictifs. Minimum, genre des sommes à 6 chiffres. Valeur et vice ne font pas la paire. Toucher ma première paye, nous ça pue la pisse. En bas du bat à faire chier tous les voisins. Des cris, des pleurs, on a surmonté. Je gratte avec le cœur au cas où t'en doutais. Le projet de la pure caille partout comme le vaccin. De gauche à droite, on nous balade, man. Coupure de bras quand ça tend la main. Plus aucune amitié quand ton frère ramasse. On accroche la trentaine, bande de gamins. Défaut égalité, j'ai les deux. Quand un frère m'a déçu, j'en parle à un autre. Je déterre dans la vie comme terrain de foot, y'a cette voix dans ma tête qui me dit pète-le. Tellement tombé, je me suis pété les dents. Reste là, rien faire, la vie t'assassine. Pas du genre à plomber, moi j'ai mis les gants. Tu me verras pas en moi, genre de proie facile. Y'a pas d'œil pour œil, t'as la vision d'un mur de calibre qu'on arrive calibré. Un poteau veut ta peau comme un cannibale. Viens pas m'appeler le sang, c'est des balivernes. Le rap, le son, c'est des tirs au flanc. Suffit d'une seule rafale pour leur toucher le front. Pas les couilles, si t'es le fou, t'es le plus méchant. Reste pas là, va te coucher. Bouge, reste pas là, reste pas là, bouge. Reste pas là, reste pas là, bouge. Reste pas là, reste pas là, bouge.